antenne. Deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. C'est deux lesbiennes vampires qui discutent. Vampires, ah, oh là là là là. Ça commence bien, ça commence bien. Allez, à dans 28 jours. T'as la version espagnole ou pas? Non. Ah ben, il y a la version espagnole, les deux mêmes lesbiennes vampires qui se quittent et qui disent « Hasta rañaña ». Et vous savez, qu'est-ce qui prouve que Claude François n'était pas corse? Ah non, hein, Claude François n'était pas corse. Claude François n'était pas corse. Non, mais qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas corse? Ah, on qu'est-ce a, on a la preuve. Ah bon? Mais oui, t'as déjà vu un corse mourir avec une ampoule dans la main, toi? Alors, oui. C'est Bob et F qui ont gagné un voyage au Canada au grand concours d'Intermarché où ils font leurs courses tous les deux jours. À Dourdan. Tous les deux jours. Oui, ils ont rêvé un truc. Et donc, ils arrivent à Montréal. On les transporte en train, en autocar. Ils arrivent au cœur de la forêt canadienne, près d'un grand lac. F est épuisée, n'en peut plus, elle va se coucher. Là-bas. Et Bob est quand même très étonné de tous ces grands sapins. Il y a vraiment des sapins extraordinaires. Et là, il voit des bûcherons. Donc, il va voir les bûcherons. Ah, bonjour, c'est Bob. Ah. Et dites donc, vous savez que mon grand-père était bûcheron? Ah bon? Ah oui, mon grand-père était bûcheron. Et quand j'étais petit, mon grand-père m'a appris à reconnaître tous les bois. Ah, ben dites donc, c'est bien ça. Oui, très bien. Oui. Et alors là, je peux vous parier ce que vous voulez, que je vous reconnais tous les bois. Ah, alors, il l'emmène à la scierie du coin. Il y a une scierie. Oui. Dis donc, il y a un mec là qui dit qu'il reconnaît tous les bois. On va se marrer un peu. Dis donc, tu paries combien que tu reconnais? Je vous parie 100 euros. Alors, ils lui mettent un bandeau autour des yeux. Ils amènent une première planche. Ils reniflent. Mais parce qu'il a un peu pris du nez. Ah, ça c'était un glaire. Ah, mais ça c'est du mélèze. Ah, ben oui, c'est du mélèze. 100 euros dans la poche. Ah, merci Intermarché. Il ramène une deuxième planche parce qu'ils veulent se refaire. Ah, ben ça c'est de l'orme. Oh, mais c'est 200 euros. C'est pareil. 100 euros encore. Il ramène une troisième planche. Ça c'est du sapin. Oh là, 300 euros, il y en a un qui dit, attends, on peut pas se faire baiser comme ça, il faut trouver un truc. Mais attends, j'ai une idée, tiens. Si on prenait la culotte de la vieille Simone, la standardiste de l'exploitation, là on va rigoler. Alors, ils amènent la culotte de la Simone, je te dis pas, elle tient toute seule. Ils la mettent sous le pif de Bob. C'est bizarre ça. Voilà. Ah, alors, pour les 400 euros, là, tu les paries, là, les 400 euros? Ouais, mais je tiens le pari. Non, mais là, j'ai du mal parce que... Ah, ça y est, j'ai trouvé! C'est une vieille porte de cave à fromage dont on a fait une caisse à poissons. Alors, donc c'est Bob qui rentre, bah oui, qui rentre chez lui bien bourré un soir. Il trouve F en train de dormir les cuisses écartées. Et il aperçoit dans la chambre une petite souris. Oh, merde, une souris! Puis il veut pas réveiller sa femme. Il dit, merde, quelle saloperie, c'est pas possible! Alors la souris, il essaie de l'attraper. Je vais t'attraper. Et comme il est bourré, il n'y arrive pas. Et la souris, cette saleté de souris, elle arrive à se faufiler dans la foufoune de F. Ah. Oh. Alors là, il essaie. Il dit, mais comment je vais faire pour la rattraper? Il essaye comme ça, mais il peut pas. Donc il téléphone au médecin de service du SAMU. Allô, mais écoutez, voilà, il y a une souris qui vient de rentrer dans la chatte de ma femme, je sais pas comment faire, mais écoutez, mais j'arrive, écoutez, mais vous savez, je suis pas à Dourdan, je suis à Étampes, le temps que j'arrive, mais essayez d'attirer la souris, mettez un bout de gruyère sur une ficelle et puis ça va peut-être la faire sortir. Bon, Bob se fout donc la gruyère sous devant, petit. Bon, le docteur part des Tempes, manque de peau en partant des Tempes. Il y a un embouteillage à la sortie des Tempes parce qu'ils ont ouvert Intermarché la nuit. Et donc ils font moins 20% sur les couches pilotes, donc il y a du monde. Et donc il arrive après une heure et quart chez Bob. Et là, Bob, il trouve Bob accroupi sur le lit. Ah, si, vous avez fait comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Et donc, au bout de la ficelle, il n'y a plus de gruyère, mais il y a une sardine à l'huile qui pend avec l'huile qui tombe dans le lit. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous n'aviez pas de gruyère? Vous avez pris. Non, si, j'ai essayé avec le gruyère, mais la souris n'est pas sortie. Et là, maintenant, il y a le chat dedans. C'était Pierre Chélix, c'était Uranus. Et Vénus, c'est la planète de quoi? C'est pas la planète de l'amour, ça? Si. Ah, ben c'est pour ça que... Pardon, c'est pour ça que... Excusez-moi. Ah, c'est pour ça, non, oui. Il faut vous dire qu'on nous a servi du cidre. Et qu'il était bouché. Donc, c'est du cidre, ça? Ah ouais, voilà. Alors, qui a été offert par Intercave, ah, des temples. Ah, tu continues à leur faire de la pub, hein? Oui, bah oui, il a un sponsor, il s'en sert. À quoi? Un sponsor. Un sponsor. De mieux en mieux. Alors Maurice, comme tu as bien répondu, que tu avais la Vénus en forme, tu vas pouvoir initier cette première tournée de blague. Elle est un peu longue, mais ça, je vais quand même la faire. Prétentieux. Ah bah, je crois que t'en avais une petite. Ouais. Non. Vous savez, ça, dans la vie, on n'a que du succès. Hein. À 2 ans, c'est de ne pas faire dans sa culotte. Mmh. À 12 ans, c'est d'avoir des amis. Mmh. Ah, j'ai oublié 3 ans. C'est d'avoir des... C'est grave. Vas-y alors, vas-y. À 3 ans, c'est d'avoir des dents. Oui. À 12 ans, c'est d'avoir des amis. Oui. À 18 ans, c'est d'avoir le permis de conduire. Oui. À 20 ans, c'est de bien faire l'amour. Mmh. Il est un peu en retard. Hein. Le succès à 35 ans, c'est d'avoir de l'argent. Mmh. Lui aussi, il est un peu en retard. Et puis, ça repart dans l'autre sens, maintenant. Ah. Le succès à 50 ans, c'est d'avoir de l'argent. Oui. Ça, c'est bien. À 60, c'est de bien faire l'amour. Encore. Ah, oui. À 70 ans, c'est d'avoir le permis toujours de conduire. Oui. C'est vrai. À 75 ans, c'est d'avoir des amis. Oui. À 80 ans... Oui, tu les as tous enterrés à ce moment-là. À 80 ans, c'est d'avoir des dents. Les siennes, hein. À 85 ans, c'est de ne pas faire dans sa culotte. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Bravo, Maurice.